Vous êtes sur Croc Radio 89.5 FM. C'est toute l'équipe de Convergence qui est là pour une heure d'émission avec une personne d'exception aujourd'hui, avec plus de 2 x 20 printemps au compteur. Il tourne toujours comme une platine de vinyle. Il a eu plusieurs vies en une, passionné par son travail et par ce qu'il transmet sur la piste de danse. Il a mixé avec tous ceux qui ont compté ces 15 dernières années sur la musique électronique de club, celle qui danse, celle qui fait danser sans se prendre la tête. On va parler aussi d'une période que les moins de 20 ans ne connaissent pas forcément, des soirées lyonnaises où il a officié, qui sont très souvent complètes. Animateur radio, formateur à l'école des DJs, c'est un artiste hors pair qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui. Et Convergence, Convergence, eh bien c'est parti pour une heure avec notre invité. 18h, 19h, Convergence, culture et musique électro-underground. Et cet invité, c'est Victor Nova. Salut Victor. Salut, bonsoir à tous. Comment tu vas? Bah bien, bien. Super, on est vraiment très heureux de t'avoir parmi nous. Ça nous fait vraiment très plaisir. Un plaisir partagé. Et on va commencer cette interview, puisque là, au niveau programme, ça va être, allez, on va discuter 10 minutes, un quart d'heure. Mmh. Puis ensuite, j'espère que tu nous feras un mix comme tu as l'habitude de le faire, un peu bien groovy. Alors, on attaque d'emblée. Allez. Tes débuts. Dis-nous comment ça a commencé. Quel a été le déclic qui fait que t'as dit tiens, je veux faire danser les gens. En fait, ça a démarré quasi après l'enfance. J'avais une dizaine d'années en fait. Et au début, vraiment tout au début, la base de la base, je voulais être DJ en radio parce qu'à l'époque, on était DJ en radio. D'accord. Et en club. Et moi, mon truc, c'était, je voulais faire DJ en radio. Bon, après, avec l'automatisation des radios, on s'est orienté vers le DJing en club. Donc, du coup, je veux être DJ en club. Donc, du coup, moi, j'avais des cousins, des cousines qui sortaient tous les week-ends en club parce qu'à l'époque, c'était le divertissement numéro un. C'était à l'époque où il y avait plein de clubs encore en France. C'était des clubs où la discothèque était très à la mode, où on avait les cheveux un peu droits sur la tête, ouais, etc. Ouais. Donc c'était bien coloré, c'était cool. Et donc du coup, j'ai eu un peu cet univers musical et nocturne qui m'attirait. J'avais 14-15 ans et puis en fait, quand on est rentré dans le dur, c'est un jour j'ai acheté des vinyles par passion dans un magasin lyonnais et là je me suis dit, après avoir monté une espèce de petite sono avec un copain comme ça vite fait pour faire des soirées privées, je me suis dit tiens, ce serait peut-être temps de développer en club, etc. Et du coup je suis tombé sur quelqu'un en achetant des disques qui m'a dit tiens, il y a une place qui se libère au Ménestrel à l'époque. D'accord. sur les quais de Saône en plein Lyon. Du coup j'ai commencé là-bas un dimanche soir. Je me souviens, c'était une soirée karaoké, il y avait 4 personnes, il y avait 2 couples. Et ça a commencé comme ça, donc je me suis pas forcément braqué sur le fait que c'était ça le club. Du coup, j'ai continué, puis bon, voilà, ça s'est fait. Et de bon an, mal an. Voilà. Tu t'es dit, c'est bon. Quelles étaient les musiques que l'on passait, je ne vais pas dire à l'époque, ça fait vieux con, mais mine de rien, qu'est-ce que tu passais qui faisait vraiment tourner tout le monde? Il y avait, en fait, la différence de style, on l'a toujours connu. Il y avait du disco, de la funk, de la house, il y avait de la techno, il y avait de l'acid, etc. Et c'est vrai qu'en club, c'était beaucoup plus édulcoré au niveau des musiques, puisqu'il fallait rendre quand même quelque chose de populaire. Mm-hmm. Donc, il y a toujours eu cette différence ces différents styles joués en club. Moi, pour ma part, ce qui m'attirait vraiment, c'était donc le disco, la funk et la house. Donc, du coup, moi, j'ai appris à mixer sur, je sais pas si ça va parler à bon nombre de gens, mais sur Ten City. Notamment, l'un des leaders de Ten City, c'est Byron Stingley, qui avait repris Sylvester, Get Up. D'accord. Get Up Everybody. Donc, c'est vraiment le titre phare qui m'a vraiment fait le déclic pour me dire, tiens, il faut que je mixe en club. Quoi. J'ai appris là-dessus. Ok, d'accord. Donc, voilà. Et comment ensuite, alors on fait un petit bond de quelques années, quand on a discuté ensemble, tu m'as dit que tu avais quand même côtoyé pas mal de gens qui comptent et qui comptent sur la musique électronique vraiment de club. Bien sûr. Comment on passe des débuts d'un dimanche soir à un karaoké à ensuite, eh bien j'ai pu inviter la Swedish House Mafia, Eric Prydz, des gens, on va dire, pour qui le clubbing ça parle. Alors maintenant on les retrouve dans les festivals, mais à l'époque, dans les années 2000, ils se déplaçaient quand même beaucoup en discothèque. Ouais. Bon, en fait, la culture DJing a vraiment changé là dans les 10 dernières années. Au début, on pouvait inviter vraiment des gens qui aujourd'hui sont des immenses stars parce qu'ils ne rechignaient pas le côté club, venir pour faire danser les gens. Il n'y avait pas de starification du système. Moins. Mais il y en avait déjà quand même une. Ouais, parce que les premières stars DJ étaient Carl Cox, David Guetta. De cette trempe-là. Après, les phénomènes de Swedish, tout ça, ça arrivait un petit peu après. Mais au début, je me souviens que quand on avait commencé vraiment à entrer dans le booking dur des programmations de discothèques, vous aviez quelqu'un comme Axwell ou Eric Morillo. Bon, Eric Morillo était déjà très star puisqu'il avait déjà fait beaucoup de disques avec Reel to Reel, etc. Donc c'était quand même un DJ star, mais donc il coûtait très cher. Mais vous pouviez avoir un Axwell pour 7-8 000 euros. Bon, aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, ça doit être 7-8 000 euros les 10 minutes. Ouais, je crois que c'est combien même il est booké sur Tomorrowland. On doit être maintenant à plus de 100 000 euros. Ouais, je sais, il n'y a pas une exactement. Espèce d'indécence quand tu te dis j'ai côtoyé cette personne qui était dans le club dans lequel j'avais la responsabilité de l'artistique. Ouais. Et maintenant, il se retrouve sur des scènes à faire un peu, je ne vais pas dire toujours la même chose, mais mine de rien, on est quand même passé d'une extrême richesse musicale dans les années 2000 où il y avait un champ des possibles qui s'ouvrait à là une pauvreté extrême musicale, alors même que les logiciels, la démocratisation du home studio a vraiment explosé et maintenant on fait de la musique de festival. Est-ce que tu le retrouves dans les clubs que tu parcours? Bien sûr. En fait, alors tout a démarré en fait quand on fait le bilan ou le schéma du. On retrace un peu l'histoire du truc. Je pense que tout a démarré la dématérialisation des supports. Le problème, c'est qu'on a tellement donné la possibilité à tout un chacun d'être DJ, du jour au lendemain, qu'on perdait cette qualité un peu intrinsèque du DJ, c'est-à-dire aller choisir tel son le samedi après-midi chez son disquaire, que ce soit en CD ou en vinyle, hein, peu importe. Et on se dit, bah tiens, je vais faire danser les gens avec ça ce soir, parce que je sens qu'il y a quelque chose pour faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez acheter un son sur le net, etc., on retrouve plus ce côté matière, ce côté qualité du truc. On se dit, tiens, je vais essayer ça, on verra si ça fonctionne. Mais la différence, elle est là aujourd'hui. Alors après, effectivement, par rapport à ce que tu disais, le côté âme, enfin, ce qui me dérange un peu aujourd'hui dans les programmations, c'est le côté âme du truc. C'est-à-dire qu'avant, on avait ce côté vraiment, je joue ça parce que c'est un plaisir, c'est une passion et je veux transmettre ça aux gens. Oui. Et aujourd'hui, on a, à cause de la masse de marketing, de la dématérialisation des supports, on se retrouve avec des morceaux où on se dit finalement, je le joue plus par passion, mais je le fais parce que les gens aiment ça. Donc je leur transmets plus rien. C'est-à-dire que le DJ ne transmet plus rien. Enfin, par rapport à ce que aujourd'hui la jungle des morceaux qu'on peut avoir sur le top hit de n'importe quelle radio populaire, on se dit mince, mais comment on est arrivé là, quoi. Mm-hmm. Et en fait, je pense que ça vient de là. Ça vient de le manque de qualité par rapport à la dématérialisation des supports. Et c'est du marketing après. C'est ton approche, est-ce que ton approche du mix, de la musique, comment tu t'inscris par rapport à ça, sachant que tu es aussi formateur à l'UCPA, mm-hmm. l'école des DJ, et donc quelle est la transmission que tu souhaites donner aux nouveaux DJ qui souhaitent en faire leur profession, tout en sachant aussi qu'il y a un principe de réalité qui fait qu'un club, c'est une entreprise, et une entreprise, il faut qu'elle fonctionne, et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait des gens. Donc, où est le juste milieu entre je fais plaisir aux gens en leur donnant ce qu'ils aiment, et là, on va parler du Top Fun Radio, Radio FG, Énergie, ouais. Et en même temps, le fait de s'ouvrir un peu à d'autres musiques qui sont tout aussi géniales, mais à partir du moment où on ne l'a pas passé en radio, eh bien finalement, je ne danse pas dessus et je ne m'éclate pas dessus. Où est le curseur? Je dirais que le curseur est super difficile à trouver parce qu'aujourd'hui, on est face à des majors qui contrôlent en fait le marché en fait des musiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé, vous jouiez du Patrice Rushen, un remix par Joe Negro. Ça, c'est un truc que vous ne pourrez jamais entendre en radio parce que ça, à la limite, ça groove trop. Et le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est des produits qui ne sont pas marketés. Ils n'ont aucune image marketing. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez les codes des jeunes aujourd'hui, que que même à l'UCPA, moi, je, quand je fais le tour de table, je leur dis, voilà, quel est votre, votre style musical propre, jouez-moi quelque chose qui vous ressemble à vous. Ils sont tous formatés, on dirait qu'ils sortent tous du même moule, alors qu'ils ne se connaissent pas, hein, les gamins, ils se connaissent pas. Sauf qu'on leur a inculqué, par les médias, télé, radio, etc., toujours le même moule, on leur a pas dit, tiens, ben, Patrice Rochon, par exemple, qu'on jouait tout à l'heure, ça c'est groove, c'est ce qu'il faut jouer en club aujourd'hui pour les gens, parce que ça va être la différence, l'échappatoire de ce que vous avez tous les jours à la radio ou à la télé. Il faut jouer ça pour que les gens s'échappent et qu'ils vous transmettez quelque chose. Il n'y a plus, ça n'existe plus, ça. Donc le curseur, il est quasi impossible à trouver pour leur dire, faut jouer ça ou ça. C'est quasi impossible. Alors après, il faut aller chercher quelque chose d'autre en eux, quoi. Tu as une expérience de date à l'étranger. Ouais. Est-ce que tu ressens la même chose? Pas du tout. À l'étranger. Alors, c'est une spécificité française de cette pauvreté de culture musicale. On sait déjà qu'on n'a pas forcément la culture financière quand on entend un peu parler politique. Mmh. Est-ce que non plus on n'aurait pas cette culture musicale qui fait qu'on va s'éclater sur un titre qu'on n'a jamais entendu à la radio? Ben, en fait, vous savez, je pense que c'est un peu comme le, si on fait un comparatif, je pense que la musique, on peut comparer ça au football. J'ai côtoyé un peu les deux milieux. Et c'est un reflet de la société, en fait. Ce que vous trouvez en France, la culture musicale aujourd'hui française ressemble à la culture intrinsèque du français. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la découverte, on est dans le confort. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, le morceau, il est bien parce qu'il marche. Ok, il marche, super. Mm-hmm. Je suis content. On va pas aller chercher quelque chose de nouveau, quelque chose de... C'est pour ça qu'on est très, très en retard. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des festivals comme dans la région Les Nuits Sonores, où tout le monde se rue dessus parce qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose de nouveau, etc., etc. Mais parce que les gens, ces gens-là qui vont à ce festival, hormis, je parle pas des étrangers qui sont là pour le festival en tant que tel, hein, je parle vraiment du lyonnais, du français, il va pas avoir ce côté découverte, forcément. Ou alors c'est par petits noyaux, c'est des gens qui aiment ça et qui vont pour ça. Surtout que Les Nuits Sonores, c'est pas tellement pour chercher des nouveautés, des non. nouvelles personnes, mais ce sont des personnes... Alors, pour quelqu'un qui va s'intéresser à la musique électronique, on retrouve quand même des têtes, je vais pas dire très très connues évidemment, mais il n'y a pas cette notion de découverte que, là je prêchais pour ma paroisse, moi j'ai longtemps habité à Rennes, et les transmusicales souhaitent conserver cette découverte, cette valeur, ouais. ces valeurs sûr. De découverte qu'ils ont, que, à mon sens, Les Nuits Sonores au moins, mais c'est aussi un parti pris de voir, quand je discute avec des gens, de dire on va au Nuits Sonores, on prend notre passe 3 jours, parce que de toute façon, même si on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop, ça sera toujours de la découverte. Donc paradoxalement, il y a aussi des jeunes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a beaucoup qui ont 20 à 25 ans, qui sont là pour les études et qui souhaitent avant tout s'éclater, même sur des artistes qu'ils ne connaissent pas. Et en même temps, ce sont ceux qu'on va retrouver en club à écouter Vianney et Maître Gims. C'est ça. C'est ça. Le problème de, justement de cette culture française par rapport à cette musique qu'on leur, on leur impose, que ce soit en festival ou autre, en France, c'est que, qu'on ne retrouve pas à l'étranger justement, c'est qu'on n'a pas cette découverte. C'est-à-dire que les gens vont aller pendant 3 jours aux Nuits Sonores, ou peu importe le festival, mais toute l'année, si vous les retrouvez en club, ils vont vous demander quelque chose qu'ils n'auraient pas écouté pendant ces 3 jours au festival. D'accord, donc ça c'est super bizarre. Des événements particuliers. Ouais. Et est-ce que par rapport à ton métier et ce que tu fais depuis un certain nombre d'années, tu as des regrets, des déceptions que tu aurais dû? Est-ce que tu as la chance de faire un métier passion? C'est rare. Enfin, moi je fais du droit, c'est pas de la passion mon droit, même si j'adore ça. C'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes. C'est pas les mêmes milieux, effectivement, voilà. mais ouais, en fait, en tant que toujours insatisfait, éternel insatisfait plutôt, j'ai toujours. Je veux toujours avoir plus, je veux toujours. J'ai toujours des regrets, même sur des dates. Par exemple, on parlait tout à l'heure des soirées du petit salon, les V6 Disco. Quand je finis une soirée, je me dis toujours, ah, tu vois, à ce moment-là, clé de la. J'ai oublié de jouer ça. J'aurais préféré peut-être aujourd'hui jouer ça plutôt que ça. Et je me dis, ah, et ça m'embête. Et puis je me dis, ben tiens, ben la prochaine, je ferai ça. Mais c'est passé. D'accord. Donc c'est une éternelle insatisfaction à chaque fois. Donc bon, c'est ce qui permet aussi de se renouveler, se remettre en question. Il y a un peu ce côté-là. Et puis moi, j'ai tout le temps, pas des regrets parce que j'ai pas le droit de me plaindre par rapport au métier que je fais, par rapport à d'autres qui vont serrer des boulons de 6h à 16h le soir. Donc j'ai pas le droit de me plaindre. Mais je suis un privilégié aujourd'hui, mais j'ai quand même des regrets ou des insatisfactions tout le temps. D'accord. Dernière question, parce que le temps passe très vite et puis on a aussi envie de t'entendre mixer. Ça fait 17 ou 18 émissions qu'on fait maintenant Scroc Radio depuis le mois de septembre. On a invité certaines personnes que tu connais. Et là, c'est vrai que cette semaine, on a fait évidemment la promotion sur nos réseaux sociaux de ta venue. D'accord. Et on a été interrogé, Victor Nova, c'est pourquoi ? Alors justement, j'ai répondu, mais pourquoi ? Que Victor Nova, pour moi, c'est quelqu'un de Lyon, un DJ lyonnais, au même titre que le label Artfist, ses artistes, que l'association Encore fait des choses. Bien sûr. Voilà, donc tu fais partie du paysage lyonnais, mais tu as une image de musique accessible par rapport à d'autres. J'ai cité Artfist, on a reçu Jibis. Bien sûr. Et également, dans vos domaines respectifs, vous êtes bon, ça c'est clair. Mais pour autant, moi on m'a interrogé sur le fait, Victor Nova, ça fait 20 ans qu'il mixe à Lyon et même plus. Ouais. Et en fait, c'est bizarre, on se croise quasiment jamais. Et ce à quoi j'ai rétorqué, mais oui, mais vous côtoyez pas les mêmes soirées. Et alors là, on en revient à l'éternel débat. Je vais pas dire underground versus commercial, mais je vais parler de musique accessible versus musique moins accessible. Ouais. Et est-ce que ces deux mondes peuvent se parler, sont compatibles ? Bien sûr. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que quelqu'un qui joue de la musique accessible peut jouer largement de la musique underground. Je m'explique. Aujourd'hui, si je prends mon cas perso, je suis un DJ house. D'accord ? Si je sais jouer de la house, ça veut dire que je sais jouer disco. Parce que mes bases sont disco. Parce qu'on sait tous, en tout cas j'espère, que la house est un dérivé du disco. Sauf que quelqu'un qui va faire de l'underground ne saura pas forcément jouer accessible. L'inverse n'est peut-être pas forcément compatible. D'accord. Donc, je dis pas que forcément tous les gens qui jouent accessible ça joue underground, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le haut du panier de beaucoup de DJ, on va prendre le cas le plus extrême, David Guetta, qui relance avec plus ou moins de crédibilité un pseudo qui s'appelle Jack Back en house. Il a sorti un titre sur Defected. Bon, après, on se dit ouais, c'est du marketing ou pas, mais la base est underground, qu'on le veuille ou non. Après, on rend le titre accessible parce qu'il a communiqué sur le fait que c'était lui pour rendre et faciliter la vente parce que c'est David Guetta qui sort sur Defected d'un autre pseudo. Ouais. Mais vous prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros DJ accessibles, soit DJ House Mafia, Steve Angelo, etc., qui ont des pseudos autres pour jouer de la musique en underground. Alors que vous prenez quelqu'un comme, je sais pas, Black Madonna ou quelque chose, ou je sais pas, ou un autre artiste. Je sais pas, j'ai pas de nom comme ça qui me vienne tout de suite, mais je suis pas sûr que cette personne-là aille ou veuille jouer plus accessible. Mais après, je dirais que c'est une question de positionnement psychologique. Et est-ce que ça veut dire qu'on pourrait te voir dans une soirée, dans des clubs qui, par essence, n'accueillent pas des DJ entre guillemets généralistes, même si le terme veut tout dire et rien dire, et que toi t'es tout à fait capable de faire une soirée funk, bien sûr, je fais déjà, et en plus bon, alors là je vous donne une petite info qui va démarrer là pour 2019 du coup. C'est une exclusivité Convergence. On peut dire parce que ça nous fait plaisir, on a besoin de rebooster notre ego. Donc. Non. On peut, je sais pas si c'est le genre de choses qui booste un ego, mais en fait, je monte un pseudo justement pour pallier à ce qu'on t'a dit, pourquoi. Okay. Et en fait, je me suis. Pour rester cohérent, en fait. Ouais, et puis je me suis dit aujourd'hui, de toute façon, plus ça va, plus effectivement, on sectorise la musique en disant, lui, c'est un DJ généraliste, on l'invitera jamais aux Nuits Sonores ou jamais au Transmusical de Rennes, ou je sais pas quoi, ou je sais pas dans quel club. Parce que son nom c'est Victor Nova. Donc j'ai dit ah ouais d'accord, pas de problème. Et je vais monter un pseudo et je vais vous faire voir l'essence, moi ce que je joue normalement, ce que j'aime, Eh ben, je vais faire ce que j'aime, mais en toute liberté et sans contrainte. C'est-à-dire que si j'ai envie de jouer du murk, j'irai jouer du murk parce que c'est la base musicale que j'aime. Et notamment pour les VC's House, au petit salon. Mm-hmm. Qui sont quand même très souvent complètes. Très souvent complètes. Qui est agréable. Voilà. Où là, j'ai pu en faire deux sous le nom Victor Nova. Mais aujourd'hui, on étiquette beaucoup trop vite et beaucoup trop. Un nom par rapport à ça, donc je monte un nouveau pseudo pour jouer effectivement sur ce que tu viens de me dire. Eh ben, écoute, sans transition, on va pouvoir t'écouter, puisque voilà, deuxième partie de l'émission, le mix de Victor Nova pour Convergence. Merci de cette belle interview. Super. Et tout de suite, écoute, je t'invite à rejoindre les platines. On va se préparer. On est parti. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Everybody, come and go with me. Come on,

to myself. To live in this world, you've got to believe in yourself. Some iron and the universe C'était le mix de Victor Nova sur Croc Radio, vous l'avez écouté sur 89.5 FM. Vous l'avez vu effectivement également sur Facebook en direct. Comment ça va? Bien. Pas assez long. Pas assez long. Et l'émission se termine. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Convergence, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Croc Radio. Merci à vous. Fait très plaisir d'avoir un DJ avec autant d'expérience. On aurait pu parler encore beaucoup, beaucoup de toute ton approche du mix. Mais bon, tu reviendras l'année prochaine. Bien sûr, quand vous voulez. Et on va parler un peu soirée, agenda pour terminer, comme dans toutes les émissions. Allez. Il y a quoi au programme ce week-end? Ce soir, je suis au Boat, anciennement le Fish Cubo, tout ça là. Je suis là-bas All Night Long. Ouais. J'ai la V6 Disco le 18. D'accord. C'est complet déjà ou pas encore? C'est complet depuis la semaine dernière. C'est quand même pas mal. C'est fou. Non, c'est fou parce que ce genre de truc, on peut jouer vraiment du Joe Negro comme on peut aller dans le super populaire. Donc il y en a pour tout le monde, c'est cool. Enfin, super. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Super. C'est super. Voilà. D'accord, donc on te retrouve pour ces dates-là. Ouais. Et puis bien évidemment également sur une autre radio le dimanche soir. Ouais, tous les dimanches soirs je suis sur Radio Scoop, 22h okay. minuit. Super. Eh bien le message est passé. Super, merci beaucoup. À vous. Merci. Victor Nova, rentre bien à Lyon et puis à très vite. Salut. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.